philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut qu'on parle, qu'on prend la vie. Des jours d'urgence, qui t'es gagné, gagné, perdu. Ouais, t'as même pas mal, y'a des papas, qui a tout perdu. T'as même le bas, y'a une voiture, y'a des amis. Mon ami, tout a changé. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon vieux. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, faut comprendre, comprendre la vie. Philosophie, philosophie, c'est ça mon Dieu. Philosophie, faut comprendre, comprendre.